la peur. D'assurer les par erreur, par un peu mon père, discours malgré haine et protestation. Dans la lignée des grands, ils se présentent en sauveur. Acclamés comme un géant, assisté par ordinateur. Se montrent en bas après, on se rend compte, c'est qu'un balai. Un jean, un musée raté. Une pute, un anon pas tardé. C'est un mec, c'est un poster que les moutons vivent la terreur. Des guêpes, des craques, des escaliers, tout est bon pour se marrer. Un homme, non, surtout, c'est pas la tornade. On a du sang, on a du sang, on a du sang, on a du sang, et on mord. Seulement trois mois après, on se rend compte que c'est un balai.